بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في كتاب فضل رب البرية بشرح برر البخية لشيخنا الفاضل أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب الطهارة ويعني في كتاب الطهارة وفي باب قضاء الحاجة. Tout à l'heure, j'appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les saluts et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et toutes personnes qui le suivront jusqu'à la fin des temps. Donc nous continuons dans notre livre, Durar al-Bahiyya, les belles perles, qui est le livre de l'imam Shawkani, Rahimahullah, Rahmatan Wasi'a. Et nous nous basons sur l'explication Fadlu Rabbi al-Bariya de notre Cheikh Ali ibn Mukhtar Aramli. Qu'Allah le préserve. Donc nous sommes dans le sous-chapitre qui est Qada al-Hajja, l'accomplissement des besoins. Et nous avons déjà lu quelques parties et nous nous sommes arrêtés sur la parole du Cheikh qui est « وَتَجَنُّبُ الْأَمْكِنَةِ الَّتِي مَنَعَ أَنِ اتَّخَلِّي فِيهَا شَرْعٌ أَوْ عُرْفٌ » Parmi les comportements « وَتَجَنُّبُ » le fait de s'éloigner « الْأَمْكِنَةِ » des endroits « الَّتِي مَنَعَ شَرْعٌ أَوْ عُرْفٌ » que la législation, l'islam a interdit ou bien la coutume a interdit de faire les besoins, s'écarter de ces gens d'endroit. وَذَلِكَ لِمَا صَحَ عَلِي النَّبِي صَلَى اللَّهِ سَلَانَ وَقَالَ cela à cause de ce qui a été authentifié du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui dit اِتَّقُوا اللَّعِنَانِ أَوْ اللَّعِنَيْنِ craignez les deux maudisseurs. قَالُوا et les compagnons ont posé la question qui sont les deux maudisseurs? Ya Rasulallah, au messager d'Allah, qala, il dit, alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim. Il dit, celui qui fait ses besoins sur la voie des gens, ou bien sous l'ombre des gens. Sous l'ombre des gens. Donc ici, c'est ceux-là qui sont les deux maudisseurs. Lorsqu'il dit ici Al-La'inan, c'est deux choses, Al-Amran, deux choses Al-Jariban qui amènent Al-La'an, la malédiction. C'est-à-dire les deux actions qui amènent la malédiction. Awalan, si tu fais tes besoins sur la route des gens, sache que les gens vont te maudire. Si tu fais aussi tes besoins sous l'ombre des gens, lorsqu'ils vont venir s'asseoir, ils vont te maudire. Hein? Comme Al-Zamanin, les gens de notre époque surtout. Hein? Ils vont dire, c'est quel bâtard qui a fait. Hein? Ça c'est rapide. Ils te maudissent en même temps. Donc, il t'accou Al-La'inan. Warada fi dhalika ahadithun ukhra. Il y a certains hadiths qui sont venus, fi ad-da'f, mais ces hadiths sont da'if. Lakin hadha al-hadith, يدل على تحريم قضاء الحاجة في طريق الناس. Ce hadith montre l'interdiction de faire ses besoins sur la voie des gens. أو في المكان الذي يستظلون به. Ou bien à l'endroit où ils s'asseyent ou à voir de l'ombre. Ça va? وما في معنى هذه الأمكنة. Et tout ce qui rentre dans le sens de ces endroits-là. Là, si à moi, c'est des endroits qui sont fréquentés beaucoup par les gens, là, la takhalla ne va pas faire des besoins dans ce genre d'endroit. Comme par exemple, Kahawlil Anhar, les alentours des rivières. Hein? Les alentours des rivières. Wal Abar et les puits. À côté des puits. Hein? Ou bien, wa afniya linnas. Al-fina, al-fana, ça veut dire l'espace où les gens aiment venir s'asseoir. Ça va? Comme par exemple ici, là, là où on en fait le thé. Al-fina, al-fana, si quelqu'un vient déposer, même si c'est un enfant, ah, ça va chauffer. On va parler d'abord, on va lui demander c'est qui. N'est-ce pas? Donc, hada, la yajouz abadan. Wa kullu, et tout ce qui m'a été azanna, tout ce qui fait du tort aux gens, min qada il hajafi. Non, on fait le besoin des dents, que ça peut gêner les gens. Non. Wa amma al-hadith, quant au hadith, al-waridu, fin nahyi, quant au hadith qui a été rapporté dans les éditions, au sujet de l'interdiction, an il-bawli fil-jufri, d'uriner dans le trou, dans un trou, fa da'ifun. Ce hadith est da'if. Ça va? Là, il y a un hadith qui vient pour dire que il est interdit d'uriner dans un trou. Car ça peut être la maison des djinns. Donc, le chef il dit ce hadith est da'if. L'imam là, car ce hadith est rapporté par Qatada d'après Abdullah ibn Sirgis. Mais Qatada ici, il est mudallis. Et on n'accepte pas son hadith, fi misli haz al-mautin, surtout dans ce genre de, d'endroit-là. Il l'a sauf si, an yusorriha, s'il est clair du tahdith, s'il dit haddathana. Mais s'il dit, an, son an-ana n'est pas accepté. Le an-ana, d'un mudallis, la yukbal. Parce qu'il dit an, on ne sait pas, est-ce qu'il a entendu? Parce que quand il dit an, il dit d'après. Il dit d'après. Lorsqu'il dit an, il dit d'après. D'après, on ne sait pas s'il l'a entendu directement, ou bien c'est quelqu'un qui lui a dit. Ça va? Sauf s'il est venu avec le tahdis. Il dit hadjatana. Là, on accepte. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait que maintenant, il a entendu directement. Le mudalli, c'est qui? Le mudalli, c'est celui qui transmet la science en disant qu'il a entendu de son cheikh alors qu'il n'a pas entendu. C'est celui-là qui est le mudallis. Ça va? Comme par exemple aujourd'hui, vous êtes combien? Il y a un qui n'est pas là. Et je parle. Je donne un hadith. Et puis, vous vous levez, vous partez dire à celui qui n'était pas présent. Celui qui n'est pas présent, pour relater le hadith, est-ce qu'il doit dire qu'il a entendu directement de moi? Ou bien il doit dire quoi? Il doit dire qu'il a entendu soit de Abu Bakr ou bien de Mokhtar, ainsi de suite. Mais s'il dit directement qu'il a entendu de moi, c'est un mudallis. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'a pas entendu directement. Dans le mudallis, on accepte son hadith que lorsqu'il dit Haddathana. Haddathana, c'est-à-dire nous a dit. En ce moment, on sait qu'il a réellement entendu. Non, donc c'était juste une faïda de la scène du hadith. Wa soha an al-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu naha. Et cela est authentifié du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a interdit an yaboula ahaduna fi maghtasili. Que l'un d'entre nous urine là où il se lave. Aïe, c'est le makan il est maghtasilu fi. Dans l'endroit où il se lave. C'est-à-dire, est-ce que c'est dans le WC, la douche qu'on utilise, ou bien il s'agit de quelqu'un qui est dans une rivière, qui est en train de se laver. Hein? C'est une très belle remarque qui est faite ici. Ici, il ne s'agit pas des douches, des endroits où vraiment il y a une possibilité que l'urine s'évacue. Mais si c'est dans les douches où ça ne bouge pas, ça porte cela, ça porte ce sens-là. Parce que quand tu lis et tu t'en vas, quelqu'un d'autre vient, l'odeur, jette. l'huile ne bouge pas. Ça va? Tu prends une chance d'uriner au bord d'une rivière, par exemple, ou tu sais que non, au bord d'un marécage où l'eau ne coule pas. Et tu sais que l'urine va descendre dans l'eau et ça va gêner les gens. Mais tant que l'urine bouge, alors, haram, ce n'est pas interdit. Ça va? قال أهل العلم لسامي دين إنما نهى عنه إن أنتي سلا كإذا لم يكن له مسلك سين يقال بوا يذهب فيه البول كله أول لبرين يعني الباقية بس بوا سين يقال بوا أو المكان الصلبة كم يعند أندواليس فيتوهم بس يبغى يمجنه أنه أصاب من مشي que l'urine l'a touché. Hein? Fayahsulu, et il va arriver, minhu, al wasawis. Et wasawis vont venir. Hein? Le shaitan va s'amuser avec le est-ce que. Hein? Parce que c'est un endroit lisse. Sulba, c'est comme les carreaux. Hein? Maintenant, sulba. Parce que tu ris, ça revient. Ça va? Donc, ça rentre dans celui-là. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم سلمان بمساجد الله صلى الله عليه وسلم نهى الى ان تدي ان يبال في الماء الراقي انا ديجا بيسا الى ان تدي كون يرين دان لو ستاغنات انا ديجا بيسا نيس با ensuite maintenant il va expliquer قوله ensuite وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة et ne pas se diriger ou donner le dos à la Qibla lorsqu'on urine ou on fait la selle. Al-Istiqbal, l'Istiqbal veut dire quoi? Antaja'al al-Qibla, que tu mettes la Qibla à mama devant toi, inda qada' al-Khaja, lorsque tu fais ton besoin. C'est-à-dire, tu te diriges vers la Qibla. Wal-Istiqbal, que tu mettes la Qibla derrière toi. Il y a des hadiths qui ont été rapportés à ce sujet. Minha qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. De cela, il y a la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, idha jalasa ahadukum ala hajati. Si l'un d'entre vous s'assoit pour son besoin, fala yastaqbil al-Qibla. Qu'il ne se dirige pas vers la Qibla. Wala yastadbiruha. Et qui ne tourne pas le dos à la Qibla. Ce hadith est rapporté par l'imam muslim et c'est le hadith d'Abu Hurayra radiallahu ta'ala. Wa qala Salman al-Faris, il dit nahana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit an nastaqbil al-Qibla. Quand donne face à la Qibla de Ra'itin ou Baoul. En allant à la selle ou bien l'urine. Qu'on fait face à la Qibla. Al-Hadith. Ici, lorsque les savants mentionnent un Hadith, et puis à la fin, ils mettent Al-Hadith, quelques points, Al-Hadith, ça veut dire que le Hadith n'est pas terminé. Mais, on a trouvé notre dalil. Ça va? Waja'an Abi Ayyub. Et c'est venu de Abu Ayyub, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, il a atteint, si vous allez à la selle, fala tastaqbilu al-qibla. Ne faites pas face à la Qibla, bi ra'itin, en faisant la selle, wala bawlin, ni l'urine, walakin, mais sharriqu, c'est-à-dire, donnez votre droite à Ougarribou ou donnez votre gauche. C'est-à-dire, chez eux, le chaf, le gharb, la Qibla ne rentrait pas dedans. Voilà pourquoi il a dit cela. Venez pas dit, Al-Ladina fi Makkah, au Medina. Hein? Ça ne donne pas forcément, si tous ceux qui sont en Médine, ça ne donne pas vers le chaf, vers le lever ni le couchant. Comme chez nous ici, où la Qibla, c'est vers le levant. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas pareil. Ici, je traduis simplement en disant, c'est-à-dire, il doit donner sa gauche ou bien sa droite à la Qibla. C'est-à-dire, il doit se pencher ou donner sa gauche ou bien sa droite à la Qibla. Au moins, il ne fait pas face à la Qibla. Waja'an ibn Omar, annahu qala, Ibn Omar dit, je suis monté, laqad irtaqaytu, je suis monté à la zahril bayti, sur la maison de Hafsa. Faraytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ala labintayn, sur deux briques, mustaqbila, et il faisait face, Bayt al-Maqdis, à Bayt al-Maqdis, li hajatihi, pour faire les besoins. Là, à ce moment, Bayt al-Maqdis était la Qibla. Ou bien, il donnait droit à la Qibla. Mais ici, dans tous les hadiths que nous avons vus, en dehors des hadiths d'Ibn Omar, il y a l'interdiction claire. N'est-ce pas? Mais le hadith d'Ibn Omar montre l'autorisation parce qu'il a vu le prophète sur la scène. Donc, on va lire la parole du Cheikh Ali Ramli, et puis ce que les autres savants ont dit, on va venir avec. Non. Il dit, les hadiths, ahadith. À cause de ces hadiths-là, ikhtalafa ahlul, les savants se sont divergés. Fi hukm istiqbal al-bayt wa istibarihi bi gha'itin aw bawl. Si le fait, si tu es dans une maison, istiqbal al-bayt, le fait de tourner le regard, faire face à la Qibla ou tourner le dos, lorsque tu es dans une maison. Ça va? Est-ce que cela prend le fait que tu sois dans une maison, c'est autorisé? Ou bien c'est interdit seulement dans les Sahraouis, dans les Sahara, dans les endroits où il n'y a pas de maison? Parce que ici, lorsqu'on regarde dans les hadiths, d'abord, Awalan, le hadith d'Abu Rayla, le hadith de Salman, le hadith d'Abi Ayyub, on voit l'interdiction claire. Mais dans le hadith d'Ibn Omar, il dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pendant ce temps, il était où? Dans la maison. Ou bien, dans la cour de la maison. Donc, on va revenir, d'après ce que Nafi il a dit, d'après Ibn Omar, que Ibn Omar, il était en voyage, il a mis sa chamelle entre lui et la Qibla, il s'est arrêté pour uriner. Et son compagnon qui était avec lui a demandé, mais Alam, est-ce qu'on ne nous a pas interdit cela? Ibn Omar dit, lorsqu'il n'y a rien entre toi et la Qibla, c'est ce qui est interdit. Mais s'il y a quelque chose entre toi et la Qibla, fala yunha, cela n'est pas interdit. Donc voilà le style-là de Ibn Omar, radiallahu anhu. Pendant ce temps, dans le hadith d'Abi Ayyub, al-Ansari, lui dit, falamma zahabna ila al-Sham, lorsque nous sommes allés à Sham, فرأينا المراحيض قد بنيت. On a vu que les gens avaient déjà construit les WC. Écoutez très bien. Donc, فكنا ننحرف ونستغفر الله. On se penchait, on ne donnait pas face à la Qibla et on demandait le pardon d'Allah. Ici, Abi Ayyub, malgré qu'ils étaient dans Bunyan, ils se penchaient. Mais Ibn Omar, radiallahu anhu, lui, à travers ce qu'il a vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, si c'est le Bunyan, la basse. Si c'est les maisons, la basse. Mais si c'est dans le Sahara, là, il y a problème. D'accord. On va lire ce que le Cheikh a dit ici, et on va envoyer l'avis des savants de Cheikh. Taïb. Le Cheikh a dit, il dit, wa asahhi, aw wa asahhu, le plus authentique, هذه الأقوال هذه الفارول الذي فيه العمل بجميع الأدلة la parole qui englobe toutes les preuves qui rassemble toutes les preuves c'est قول الإمام الشافعي la parole de l'imam الشافعي de l'imam Bukhari de l'imam Ibn Munzir والجمهور et la majorité des savants وهو التفريق quelle est la parole c'est de mettre la différence entre الصحاري les Sahari, c'est-à-dire les endroits vides, ou le bunyan, et les maisons. Fayajouz ou fil bunyan, c'est autorisé de se diriger ou bien de donner le droit à la Qibla dans les maisons, amalam bi hadith ibn Omar, wa ghayrihi. En appliquant le hadith ibn Omar et d'autres. Voilà, il y a du jour du Sahari. Ce n'est pas autorisé dans les endroits vides. Amalan bi hadith Abi Ayyub wa ghayrihi. En appliquant les hadiths d'Abu Ayyub et autres que cela. Wa hada, il dit hada awla mimman. Cela est mieux que celui qui amala, qui a mis en pratique ba'd al-ahadith. C'est un ahadith wa ahmala ba'd al-akhar. Et a négligé certains hadiths. Donc le chef ici, il a désigné cela comme une négligence. N'est-ce pas? Fala ishkal. Il dit, il n'y a pas de problème, mais anna al-awla. Il dit, ce qui est mieux, ou al-amaru bi jami al-adil. De mettre en pratique toutes les preuves, wa adamu imal shay minha. Et de ne pas négliger un seul hadith. Voilà ce que le chef, Ali Rambi, il a dit. Il dit, waman arad al-mazi, celui qui veut encore une augmentation du faïda, falyuraji, qui revient à Fath al-Bari, de l'imam Hafiz ibn Hajar, dans le kitab al-Wudu. Non. Donc ici, le chef Ali Rambi, il dit, ce qui est le plus authentique, c'est quoi? Non. Dans les maisons, c'est pas. Non, c'est pas interdit de faire face à la Qibla dans les maisons. Mais dans les endroits vides, tels que le Sahara et autres, alors c'est interdit. Ça va? Mais d'autres savants disent que à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith-là, il n'a pas mis de différence. Il n'a pas dit Sahara ou pas Sahara. Regardez le hadith de Abu Huraira. Il dit, Iza jalasa ahadukum ala hajatihi, si ça soit pour son besoin, qu'il ne donne pas face à la Qibla, ou qu'il ne donne pas droit à la Qibla. Est-ce qu'il a mis une différence entre les bunyan? Dans le hadith de Abi Ayyub, pareil, Abi Ayyub même dit qu'on allait trouver à Sham des WC déjà construites. Et malgré ça, on se penchait, on ne faisait pas face à la Qibla. Dans les hadiths de Salman, pareil. Mais, c'est l'hadith d'Ibn Omar maintenant, il montre qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cela. Alors, certains savants sont allés à dire qu'il faut mettre une différence entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son action. Des choses peuvent nous être interdites, mais lui être autorisé. Est-ce que vous comprenez? Non. Il faut mettre la différence entre sa parole et son action. Pourquoi? Parce que sa parole, c'est l'ordre ou l'interdiction qui est pour tous les musulmans. Mais son action peut ne pas être l'interdiction de ce qu'il a fait, peut ne pas être ce qui est autorisé à tout musulman. Tu comprends bien? Donc ici, par exemple, si on regarde les hadiths d'Abu Huraira, Salman et Abi Ayyub, c'est l'interdiction formelle que c'est interdit. Mais Ibn Omar, lui, l'a vu. Il a vu où? Est-ce que c'est tout le monde qui a vu? C'est lui seul qui a vu. Est-ce que le prophète a voulu qu'on le voie en train de le faire? Sinon, il allait le faire devant les compagnons. Et les gens allaient le voir le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, d'autres sont allés à dire que Al-Aslam, ce qui est mieux, que ce soit dans Bunyan et non pas dans Bunyan, détourne-toi de la Qibla. Parce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam englobe cela. Mais son action, ça c'est lui seul. Parce que s'il avait voulu que cela soit une action pour tous les musulmans, il allait le faire devant tout le monde. Et il allait montrer que c'est autorisé. Mais, de sa parole, de ce qu'on a pris de sa parole de façon formelle, c'est quoi? L'interdiction. Et il envoie un exemple. C'est comme le professeur, il interdit à un homme de dépasser 4 femmes, mais lui-même son action. Il a fait quoi? Il a dépassé. Ainsi de suite. Donc le chef Ali Rami lui dit, si lorsqu'il s'agit de Bouliane, il n'y a pas de problème. Les maisons, pas de problème. Il se base sur le hadith d'Ibn Ibn Umar. Et il a donné que c'est l'avis de l'imam Shafi, l'imam Bukhari, l'imam Al-Mundir, ainsi que le Jumhur. Mais d'autres sont allés à dire que ce qui est aslam, c'est de revenir à la base. La base, c'est sa parole. Et il a interdit, que ce soit dans Bunyan ou pas, d'autres même sont allés dans la réflexion. Non, toi, que ce soit dans Sahawi, si tu es allé dans Sahawi et puis tu pisses, forcément, si tu es dans les Sahawi, devant toi, tout droit, même si ça a des kilomètres, il y a une maison devant toi. Qui te bat entre toi et puis la Kina. Hein? Quelle est la misère? Quelle est la misère? Quelle est la compréhension? Donc, Fanapur al-Aslam, le Aslam, c'est l'éviter. Pour quitter dans le Khilaf. Mais si le chef Ali Romney dit, rassembler les ahadiths et travailler avec, c'est ce qui est mieux. C'est-à-dire, Ibn Umar lit son hadith et a ajouté sur les autres hadiths, lit son hadith montre que si c'est dans les maisons, il n'y a pas de problème. Ça va? Mais les autres, ça montre que si c'est pas dans les maisons, c'est là que ça prend la parole des autres. La Koulihal, sa parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam englobe. L'action qu'il a fait, Ibn Umar l'a vu, c'est Ibn Umar seul qui l'a vu. Ça va? Est-ce que les autres compagnons ont appliqué pareil? Hein? S'il avait voulu que cela soit appliqué de façon pareille au niveau de tous les compagnons, il allait le faire, ou il allait montrer l'autorisation. Comme, je vais vous donner un exemple, comme, il a interdit de s'arrêter pour boire. Mais il s'est arrêté pour boire et plusieurs compagnons l'ont vu. Donc, on a compris maintenant à travers cela qu'il n'est pas interdit de s'arrêter pour boire, mais il est méritoire de s'asseoir pour boire. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous devons dire. Donc, ici, on a vu ce que le chef a dit, mais ça peut vous convaincre, mais moi, personnellement, je suis une autre parole. Qawluhu, sa parole. Wa alayhi al-istijmar. Après cela, il doit maintenant faire ce qu'on appelle al-istijmar. Le istijmar, bi salatati ahjari tahirati. Il doit prendre trois pierres pour faire l'istijmar. Istijmar, c'est quoi? On avait déjà vu ça. Hein? De se chier avec, voilà, du solide. Pas forcément les pierres. Donc ici, il doit faire l'istijmar avec trois pierres propres. Ça va? Aouma yakoum maqamahum. Ou ce qui peut prendre la place des trois pierres. Ça va? Al-istijmar, c'est quoi? Istijmar ou jimar. C'est d'utiliser des solides. Wahia al-ahjar. Ce sont les pierres. L'itanas boufi, afin de se nettoyer, min al-bawli wal-ghaï. De l'urine et des déchets. Ba'da qada'i al-haja. Après avoir fait les besoins. Ja fi hadith Salman, radiallahu anhu. C'est venu dans le hadith de Salman, qu'à la grecque. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساجة الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار إلى إنتردي لسنتوية avec moins de trois pierres وعن الاستنجاء أو bien de se nettoyer برجيع أو برجيع أو عظم avec le croutin أو bien un os. Non, birajirin ou azmin. De se nettoyer avec quoi? Le rajir, c'est-à-dire le gloutin, ou bien un os. Donc ici, l'os qu'on connaît, c'est la nourriture des djinns. Le rajir aussi, le gloutin aussi. D'ailleurs, Zalika, harrim alayna dhalik. Cela nous a été interdit. Fayadibu, il est obligatoire à tamassuhu de se nettoyer du salatati ahjari avec trois pierres. Wa in hasala al-inqa, si on obtient la propriété du dunima, c'est-à-dire en dehors des trois pierres, C'est-à-dire qu'on arrive à deux et on est propre. Fa'il lam yamtul. Et si ce n'est pas arrivé, c'est-à-dire même si on obtient avec deux pierres la propriété, il faut aller jusqu'à trois pierres. C'est ce qu'il veut dire ici. Maintenant, si on n'a pas obtenu la propriété avec trois pierres, wajab al-ziyada. On doit augmenter. C'est obligatoire. Hatta yahsul al-inqa. Jusqu'à ce qu'on soit propre. Fa in hasala. Si on obtient al-inqa, c'est-à-dire on est propre, bi shaf'in, avec le nombre pair, de arba masalan, quatre pierres, fa yustahabu, alors il est préférable, an yazid al-khamis. Ils ont augmenté le cinquième. Kay yahsimu bi 8. Pour que ça puisse finir avec le 8. نعم قوله أو ما يقوم مقامها أو ce qui peut prendre sa place. Ici, lorsqu'il dit ce qui peut prendre sa place, لأن المطلوب هو الإنقاء. Ce qui est voulu ici, ce qui est demandé ici, c'est la propriété والتنظف, de se nettoyer. فبأي شيء حصل, avec n'importe quelle chose qu'on obtient, جاز, c'est autorisé. مثل, comme par exemple المناديل, les torchons, al-waraqiyya, qui sont des papiers, al-mawjoudat al-yaw, qui sont présents aujourd'hui, tels que le papier hygiénique. C'est ça? Hein? Wa yastamal al-ma, mais si il utilise l'eau, ajza'ahu, alors cela lui suffit. Wa la yajouz, il ne lui est pas autorisé, bi-raji'i, d'utiliser quoi? Le crottin. C'est-à-dire, comme on appelle, les croutins, les déchets des bœufs, ainsi que des chameaux et autres. Ça va? Non. Wa huwa ar-raws wa la bil 'azmi, ni avec l'os ma'ruf qui est connu. Wa sahha 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu naha qu'il a interdit 'an al-istinja bil yamin. Il a interdit de se nettoyer avec la main droite. Wa massi dhakar, et de toucher le sexe bil yamin, avec la main droite, عند البول, lorsqu'on veut uriner. Ce hadith vient d'un imam, dans l'authentique de l'imam Bukhari Muslim, et ce hadith d'Abi Qatada. C'est un hadith qui est muttafaqun alayh. Donc ici, ensuite il dit, wa qawlu, wa yundabu al-isti'azatu inda shuru'i. Il dit, c'est préférable de demander la protection d'Allah lorsqu'on veut commencer. Wal istighfar, et demander le pardon d'Allah, wal hamdu, et louer Allah bar al faram, lorsqu'on finit. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ayun damu d'abord, cela veut dire yustahab, c'est préférable. Al istiazatu, ici, qu'il dit qu'il est préférable de faire avant de commencer la scène. Hiya an yakun Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'is. Avant de rentrer dans le besoin, il demande la protection d'Allah contre al-khubth wal-khaba'is. Ce sont les djinns mâles et femelles. Kama ja'a fil hadith an Anas, comme cela est venu dans le hadith d'après Anas, qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque إذا دخل الخلاء lorsqu'il rentrait dans le WC, قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Il faisait cette invocation. وفي رواية كان إذا أراد أن يدخل, s'il voulait rentrer. متفق عليه. Alors ici dans le premier hadith dit lorsqu'il rentrait, dans le deuxième hadith lorsqu'il voulait rentrer. Donc ici on met les deux hadiths ensemble. Il est interdit de mentionner le nom d'Allah dans des endroits. Donc cela veut dire c'est avant d'entrer. Avant, lorsqu'on doit entrer. C'est compris? Voyez. Wal khubs wal khaba'is, c'est zukran shayatin wa inazihim. Ce sont les mâles parmi les diables, ainsi que leurs femelles. Idha dakhala al muslim ista'adha billah. Lorsque le musulman rentre, il demande la protection d'Allah qabla an yadkhula, avant d'entrer, kay la tadurruhu al-jinn, afin que les djinns ne lui fassent pas du tort. Wa taqsiru an-nas fi sunnati fi hadha az-zaman, il dit le manquement des gens au sujet de cette sunna dans cette époque, adda a amené il a awaqib as-sayyi'a, à des mauvaises conséquences. Wa hiya kathratu, on voit beaucoup de personnes al-mutadarririna bil jinn, les djinns les font du tort, hein. Vous voyez dans la rue, les femmes tombent. Les hommes maintenant, avant on voyait les femmes, mais maintenant c'est les hommes qui tombent. Hein? Parce qu'on a délaissé cette sunna. Et lorsqu'on est dans cet endroit, il arrive souvent que des djinns tombent amoureux de certaines femmes. Parce qu'elles ne font pas ces invocations avant de rentrer. Tu rentres, ils sont là, tu déshabilles devant eux, tu fais tes besoins devant eux. Aroubama, il s'amuse même avec toi. Arasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré une voie. Allahumma inni a'ouzu bika min al-khoufi. Ça ne vous demande pas grand. Et l'invocation, elle est très facile. Mais on laisse ça. Et après, maintenant, on se plaint. Hein? Comme le cheikh dit ici, wa dhalika bi sababi tarkihim li sunnati an-nabi. Cela parce qu'ils ont délaissé la sunna du prophète sur la sunna. Wa amma al-istighfar, quand on istighfar wa al-hamd, le fait de demander pardon d'Allah et louer Allah lorsqu'on sort, lorsqu'on finit de sortir, fa warada, c'est venu les deux fi hadithayn da'ifayn, dans deux hadiths da'if. Hadith wa Aisha qui dit kana idha kharaja min al-khala qala ghufranak, lorsqu'il sortait du khala, il disait ghufranak. Hada hadithun dhaif. Hadithun dhaif. Wa fihi, dans ce hadith, il y a qui? Yusuf ibn Abi Burdata, qui est majhoul. On ne le connaît pas. On ne sait même pas c'est qui. Il est dans nos chaînes de transmission. On ne sait pas c'est qui. Hein? Tayyib. Car souvent, chez les salafs, c'est tout dans le livre des hadiths, les gens sont sur trois tabaqats. Al-da'if, celui qui est da'if, qui peut être un innovateur, qui peut être un menteur, qui peut être quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Il y a le siqa, qui est digne de confiance, et il y a le majhoul. Quelqu'un qui n'est pas connu, on ne le connaît pas. On ne sait pas où on va le mettre. C'est pas s'il est siqa, s'il est da'if. C'est comme à notre époque, vous voyez les gens. Il ne sait pas s'il est Zarabi, ou bien n'est pas Zarabi, ou bien. Donc, comment tu le juges? Tu le laisses khalas. Hein? N'est-ce pas? Allah nous préserve. Et c'est très important de mentionner ce sujet sur tout ce côté-là, comme on a vu dans les dars que nous avons fait à Marcoury la semaine passée. C'était de dire quoi? Savoir que les gens sont sur ces différentes catégories-là. Les gens qu'on ne connaît pas, pas parce qu'ils sont dans une association ou autre, on les traite de ici. C'est très important. De surtout prêter attention à cela. Quelqu'un que tu ne le connais pas, lui-même de façon spécifique, on a déjà vu les conditions ce jour-là. Est-ce qu'on peut le traiter de ici? Hein? Est-ce qu'on peut? On fait attention. Mais c'est une maladie qui est propagée aujourd'hui dans le milieu salafi. Il faut régler ça. Quelqu'un que tu ne connais pas, même si tu le connais, je dis bien même si tu le connais, qu'est-ce qu'on a dit dans le DAS? On a dit qu'il faut quoi d'abord? Qui peut me rappeler? Hein? Il faut dresser la preuve d'abord. Ok. Après avoir dressé la preuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir s'il n'a pas d'empêchement. S'il n'a pas d'excuse. Ça va? Après, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Non, tu dois déjà présenter les preuves. Il n'a plus d'excuse. Qu'est-ce que tu dois faire? Si c'est un prédicateur, tu corriges en public sans pouvoir dire que c'est un innovateur jusqu'à ce qu'il revienne. Tardir. Tous ces trucs-là viennent après. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de mentionner ce sujet-là. Pour ne pas qu'on se fait. Donc ici, wa amma al-hamdu, quant au hamd, fa akhraja ibn Majah min hadith Anas. Ibn Majah, il a rapporté des hadiths d'Anas, Il dit, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال, il disait, lorsqu'il sortait de khala, c'est-à-dire des besoins, il disait, Alhamdulillah, الذي, je loue Allah qui azhab anni, qui a fait partie, al-adha, le mal, wa afani, et m'a, yani, pardonné, ou bien m'a débarrassé de cela. Wa huwa, ce hadith aussi est daif. Fihi Ismail ibn Muslim. نقل في الزوائد الاتفاق على التضعيف دونك لا رابورتي سي دان زوائد لينانيميتي ميم سي سون تضعيف سون توس دابور كي ضعيف دونك لا ناخذ بحديثه سون حديث نبا اوثنتيك طيب نعم دونك نو فينون ديفينير باب القضاء الحاجه وغادي فينير On va revenir un peu pour faire un récapitulatif. Qu'est-ce qu'on a dit? Dans Qada al-Haja, première chose, on a dit al-istitar, le fait de se cacher, n'est-ce pas? De se couvrir jusqu'à ce que tu descendes au sol. Ensuite, on a parlé de al-bu'd, le fait d'aller s'éloigner. Hein? Toyer. Ensuite, on a parlé de Tarku al-Kalam. Mais on a dit quoi dans Tarku al-Kalam? Il n'y a pas de preuve qui interdit cela. Ensuite, al-Mulabatatu limalahu hurma. Porter ce qui est sacré. Qu'est-ce qu'on a dit? Hein? Il n'y a pas de preuve qui interdit cela. Mais le mieux? Non. Donc ici, ensuite on a dit le fait de s'éloigner des endroits. Ça va? Que la charia a interdit, ou bien la coutume, le urf, a interdit. Donc on a parlé de la de voix, et puis de l'ombre des gens, ainsi que autour des rivières, des puits, ou bien dans l'espace des gens, ainsi de suite. Et ensuite, on a parlé de al-istiqbal, ou al-istidbar. Ça va? Donc ici, le cheikh Ali Ramli, il dit, que le mieux, c'est de travailler avec les deux, aqwal. Donc, allez-y sur cela. Ne suivez pas forcément ce que moi j'ai dit. Qawlou. Et on a parlé aussi de istijmar. Et on a expliqué l'istijmar, ou bien ce qui peut remplacer l'istijmar. Et on a terminé par l'istihaza, et puis quoi? Alhamd. On a montré que l'istihaza, ça c'est authentique. Mais sortir de la douche, les doigts qu'on fait, il n'y a aucun qui est authentique. Ça va? Ghufrana ka tadaif. Allahumma, ou bien alhamdulillah, il est al-hab anni, al-ada, wa afani, ça aussi c'est. Non. Donc on va s'arrêter ici. Et prochainement, nous allons prendre directement dans Bab al-Wudu les ablutions. Allah nous préserve et qu'Allah nous guérisse enfin sur le droit chemin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.